Il y a 4 semaines, Jacques a ouvert un partage sur l'adoration. Et si vous vous souvenez bien, nous avons, il a pris le texte dans Jean 4, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et elle voulait insister sur le lieu d'adoration. Et Jésus a dit non, non, non, il faut adorer en vérité et en esprit. Et il y a trois dimanches, oui. On a exploré qu'est-ce que c'est l'adoration, et surtout le volet en vérité. Il y a 2 semaines, moi j'ai enchaîné avec la réflexion en Romains, de adorer Dieu en esprit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une adoration spirituelle? Et on a examiné les textes en Romains, surtout Romains 5 à 8. Mais j'ai essayé de suivre le fil conducteur de l'Esprit dans la lettre de Paul aux Romains. La semaine passée, qui était pour ainsi dire, le premier dimanche en préparation pour Pâques, on a vu la transfiguration. Les choses qui se passaient en haut n'étaient pas forcément ce qui se passait en bas de la montagne. Et aujourd'hui, on va prendre une autre volée de l'adoration. Ce que Paul appelle en Romains chapitre 12, un culte raisonnable. Et on va examiner ce matin un autre volée de l'adoration. Une adoration avec le coco. Romains 12, et on va traiter ce matin juste 3 versets. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, Paul a dit, à cause des compassions de Dieu, d'offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, agréable et parfait, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent ou à l'époque présente ou à l'ère présente, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, ce qui est de votre part, ce qui est bon, parfait et agréable à Dieu. Quand moi j'ai fait mes études théologiques et jusqu'à ce matin, cette semaine, en me préparant, j'ai toujours arrêté au verset 2. J'ai dit et j'étais enseigné que le verset 3, c'était le début d'un nouveau paragraphe. Je me répands. Petite parenthèse, un de mes livres préférés dans l'histoire de l'Église, c'est le dernier livre de Saint Augustin. Saint Augustin, pendant sa vie, a écrit plus que 1000 livres et articles. Mais son dernier livre a été intitulé « Rétraction », où il a noté toutes ses erreurs ou où il a changé d'avis. Okay? Le livre est de 300 pages. J'espère que je suis assez humble pour dire « Ah, j'ai mal enseigné ». Parce que le verset 3 fait partie intégrale, à mon avis, au verset 1 et 2. Et Paul enchaîne, il dit, « En vertu de la grâce qui m'a été accordée. » Ne pensez pas avec un trop opinion de vous-même, comme vous devez penser. Mais pensez avec un pensée sage. Selon la grâce que Dieu a départie à chacun de vous. Pour ainsi dire, et voici où nous voulons poursuivre aujourd'hui, un culte raisonnable, selon Paul. Oui, c'est un culte en vérité. Jésus l'a bien dit. Jacques l'a bien enseigné. Un culte raisonnable, selon Jésus, est en esprit. Mais selon ce texte, un culte raisonnable est aussi un culte, une adoration qui implique entièrement le coco et nos corps. Et ce matin, j'aimerais examiner ce texte avec vous et explorer cette idée. Qu'est-ce que ça veut dire d'adorer Dieu avec nos corps et adorer Dieu avec le coco, avec notre esprit? Qu'est-ce que Paul veut communiquer ici? Prions ensemble. Seigneur, merci pour le fait que tu nous invites en communauté et que nous pouvons mijoter les grandeurs de Apocalypse 21 et 22, que nous pouvons la contempler. Merci que nous pouvons entrer dans une adoration et une louange en musique, afin d'élever nos voix envers toi pour te dire, oui, tu es grand et tu es bon. Et maintenant, Seigneur, on arrive à ce texte et nous voulons t'adorer avec tous nos êtres. Et surtout, comme ce texte dit, avec nos corps et aussi avec notre esprit. Donc, Seigneur, illumine-nous, parle-nous par ton esprit ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Le texte ce matin, Paul commence en disant, « Je vous invite donc, frères et sœurs. » Donc, le « donc » est important. Parce que Paul vient de terminer 11 chapitres où il a tracé la façon que Dieu, par Jésus-Christ, nous a acquittés de nos péchés. Il a parlé du fait que Dieu accepte gratuitement et gracieusement les coupables. Il les restaure, il leur donne la paix, comme on a vu il y a 2 semaines. Il parle du don de l'Esprit et le fait que nous pouvons vivre selon l'Esprit, pas selon la loi de la mort ou la loi du péché. Il parle de cette assurance que nous avons de participer vraiment dans la gloire de Dieu. Il termine les chapitres 9, 10 et 11 en disant très clairement que l'époque du Torah, de la loi, est bel et bien fini. Nos points de repère ne sont plus le sabbat, les rites de passage, les lois sur la bouffe, la circoncision. Ces points de repère sont tout à fait écartés. Le point de repère aujourd'hui, c'est la foi. Le juste vivra par la foi, mais scellé par l'Esprit. Donc, Paul dit, donc, à la lumière de tout cela, et ensuite, il ajoute cette belle phrase. À cause de cette immense bonté de Dieu, à cause des compassions de Dieu, à cause des miséricordes, vous pouvez traduire le mot de ces trois façons. La bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu, les compassions de Dieu. Je pense que c'est juste une autre façon d'expliciter le « donc ». Parce que les chapitres 1 à 11 expliquent les compassions de Dieu envers ses créatures et sa création. Et n'oubliez pas, en chapitre 8, la création gémit. La création a besoin d'être restaurée, a besoin de vivre les compassions de Dieu pour être restaurée à ce que Dieu voulait dès le départ. Donc, il dit, « Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté. » Et voici le verbe clé, la phrase clé, la clause clé dans le texte. « À lui offrir vos corps à lui. » Maintenant, de façon typiquement Paul, il prend les petits culs de sac. Okay? Il ajoute les choses. Mais il me semble que la phrase se lit comme ceci. « Je vous invite donc, frères et sœurs, à cause des compassions de Dieu, d'offrir vos corps à Dieu. » 3 points de suspension. Ça, c'est l'écule de sac de Paul. Je retourne. N'ayez pas peur. Ne pas conformer au monde. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et ensuite, le verset 3, où il commence en disant, en vertu de la grâce, ça c'est les compassions de Dieu. Et ensuite, il entre dans cette explication sur le renouvellement de l'intelligence. Je pense que ça, c'est le suivi ou le développement de sa pensée dans ce texte. Donc, commençons avec, qu'est-ce que ça veut dire de offrir nos corps à Dieu? C'est un peu étonnant que Paul ouvre cette pensée dans ce texte parce que la place du corps n'est pas vraiment un sujet développé en Romains. Il le développe dans d'autres épîtres, mais c'est intéressant. Et j'ai longuement cette semaine, en me préparant, j'ai mis, pourquoi ça? Probablement une façon pour lui de passer de tout le développement de sa réflexion sur les réalités spirituelles pour dire que la vie chrétienne est aussi un vécu tiré terre à terre. On ne peut pas simplement vivre dans les grandes idées spirituelles, des grandes réflexions théologiques. La vie chrétienne n'est pas simplement vécue entre les oreilles. La vie chrétienne est vécue de façon incarnationnelle, dans nos corps. Et Paul dit ici, à cause de tout ce que nous avons développé jusqu'à date, la première chose à faire, c'est d'offrir vous-même, pas simplement vos pensées, pas uniquement vos émotions, pas simplement tes idées, mais d'offrir toute votre personne à Dieu. Et je pense que c'est un bon rappel pour nous au début de cette saison de Pâques. Michel a mentionné ce matin au début de notre temps de louange en musique, il a dit que nous sommes dans la saison de carême. Carême commence 40 jours avant Pâques. Ça faisait partie de la tradition chrétienne depuis le début. Mais de façon typiquement protestante, lorsque Martin Luther, Jean Calvin, Menno Simon, Zwingli ont claqué la porte sur l'Église catholique, pour des bonnes raisons. Ils ont claqué la porte d'une mauvaise façon sur certaines pratiques qui sont excellentes. Entre autres, la pratique pendant les 40 jours avant la célébration de la mort et la résurrection de Jésus-Christ, de dire non à certaines choses et de dire oui à certaines choses. Et souvent, le « non » était relié au corps. Pour la simple raison que Pâques est une célébration du fait que Jésus, crucifié, enterré, a repris vie et a assumé la vie dans son corps. Donc, loin d'être être méprisé, le corps est important dans la vie chrétienne. Comme j'ai souvent dit quand j'ai partagé avec vous, il n'y a pas de spiritualité hors de ce corps. Je ne peux pas suivre Jésus simplement entre mes oreilles ou dans mon cœur. Il faut que je suive Jésus avec les cheveux, les petits cheveux qui me restent, il n'y en a pas beaucoup, jusqu'au fond du talon. Je suis Jésus dans ce corps. Donc, quand Paul dit ici d'offrir vos corps à Dieu à cause des compassions de Dieu, Paul est en train de dire, votre corps est important. Votre être tout entier est important. C'est comme Paul est en train de dire, ne divisez pas votre personne entre corps, âme et esprit. Oui, c'est vrai, il en parle dans un Thessalonicien, mais il est surtout en train de dire, vous êtes une personne intégrale. Vous êtes une personne entière. présenter toute cette personne à Dieu. Maintenant, la façon de le faire suit dans les versets 2 et 3. Premièrement, je ne vais pas me laisser modeler, façonner, conformer par l'époque présente. Dans la Bible du Semeur, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. C'est une bonne façon de lire le texte. Mais notez bien, le verbe ici est au passif. Je me laisse le monde me modeler. Pour ainsi dire, je suis passif, pas actif. OK. C'est quoi la différence? OK. Disons, je lance ma plume à Daniel. OK? OK. Tu étais passif. Passif. Voilà, voilà. OK. Maintenant, on peut. OK. Le stylo a été lancé ou le stylo m'a été lancé. Ça, c'est la différence. Je lance versus. OK? Donc, Paul dit ici, il y a une façon pour moi de me laisser modeler, influencer, façonner, conformer. Pour ainsi dire, je laisse la façon de penser de ce monde tisser ma façon d'être. Que ça soit par l'argent, le matérialisme, que ça soit par le pouvoir, que ça soit par les différentes façons de conceptualiser la sexualité, que ça soit par le prestige, que ça soit par le négativisme, que ça soit par le je m'en foutisme. Choisissez ce que vous voulez, mais il y a les façons de penser dans notre monde actuel, dans notre époque présente. Et Paul dit ici, ne soyez pas passifs par rapport à ces influences. Ne soyez pas conformés par cela. Mais soyez transformés. Mais c'est encore passif pour une raison que je vais expliquer. Ce qui est fascinant dans ces deux mots, c'est que dans le mot conformer, il y a l'idée de schéma. Et quand vous pensez aux façons que le monde nous forme, il y a un schéma dans notre monde. Le monde a une façon de penser, de se présenter. Vous savez que je travaille dans une boîte dite chrétienne. Souvent, mes collègues vont me dire, « Mais Glenn, dis-nous quoi faire. » Mais je dis, « Vous êtes responsable. Vous avez un plan. Vous avez un budget. Vous avez le droit d'agir dans votre champ d'action. »« Oh, mais Glenn, toi, t'es le boss. » Donc, j'explore la question et tout d'un coup, je découvre qu'il se trouve dans une situation possiblement, potentiellement conflictuelle. Donc, c'est toujours plus facile pour dire, ben, le patron a dit, le schéma de ce monde, surtout dans le milieu de travail, est hiérarchique. Celui qui est en haut a plus de pouvoir, plus de droits, lui doit agir. Mais quand le patron renverse le schéma et donne le pouvoir aux gens, c'est insécurisant. Il faut toujours questionner le schéma. Et Paul dit, ne laissez pas schématiser par les schémas de ce monde, mais soyez transformés. Et dans le mot transformé, il y a l'idée d'une structure, une forme. Et Dieu veut nous transformer Donc, ne soyez pas schématisés selon le monde, mais soyez transformés par Dieu. Donc, la première façon de d'offrir nos corps, c'est de ne pas être schématisés selon le monde. La deuxième façon, c'est d'être transformés par l'Esprit. Mais regardez la façon d'être transformés par l'Esprit. Paul dit au verset 2, « Par le renouvellement de votre pensée. » Paul dit que la transformation commence dans le coco. Et cette transformation est nécessaire pour que je puisse discerner la volonté de Dieu. Donc, si je veux offrir mon corps, il n'est pas simplement nécessaire que je dise non au monde actuel et à ses schémas. Mais il faut que je dise oui à ma façon de penser, au coco. Et il faut que ça soit renouvelé chaque jour pour que je puisse savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Mais maintenant, regardez la troisième chose. Il dit, pour offrir nos corps, il ajoute le verset 3. Et voici ce que j'ai découvert cette semaine, que je n'avais jamais vu auparavant. Et pour cette raison, il faut mettre le verset 3 avec les versets 1 et 2. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, OK, ça célèbre la bonté, les compassions de Dieu, la grâce qu'il mentionne au verset 3, au verset 2. Je dis à chacun d'entre vous, maintenant, regardez ce qu'il fait ici. Parce qu'il utilise le même mot 4 fois dans le texte original. Ça n'apparaît pas dans nos Bibles, mais 4 fois. Il dit, « Ne pensez pas trop haut de vous-même, comme vous devez penser. Mais pensez avec une pensée sage. » Ah! N'ayez pas un trop haute opinion de vous-même. Si nous voulons offrir nos corps à Dieu, le hyper-spiritualité, ah, je suis bon, moi. Le pouvoir, ah, je suis le patron, je peux décider ce que je veux, quand je veux, comment je veux. En tant que mari, ah, Cindy, je suis l'homme de la maison, écoute-moi. Ça ne marche jamais quand même, mais en tout cas. mais vous savez les façons que nous pouvons penser d'une façon hautaine? On voit les gens qui ne sont pas comme nous. On voit les gens qui sont pauvres et marginalisés. On voit les gens qui sont différents et on les méprise. Et Paul dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Ou comme il dit, comme vous devez penser. Ça, c'est la répétition du même mot. Il se répète. Mais pensez, troisième fois que le mot est dans le texte, mais pensez avec une pensée sage. Et Paul fait la distinction entre un pensée hautaine avec un pensée de sagesse. Et c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est la capacité de prendre des bonnes décisions pour des bonnes raisons et agir ainsi. Et Paul dit, si vous allez offrir vos corps à Dieu, d'abord, vous dites non au schéma de ce monde. Deuxièmement, vous dites oui à la transformation de l'esprit qui est le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Mais troisièmement, ça passe par une réflexion sur la sagesse. Pas une pensée hautaine, pas l'orgueil, pas la fierté, pas le « Ah, je suis bon, moi », mais par une pensée rempli de la sagesse de Dieu. Maintenant, regardez ce que Paul dit. ce sera là de votre part un culte spirituel. Imaginez, quand je dis non à tous ces schémas de tous les jours, quand je dis oui à la transformation de mon intelligence par l'esprit, quand je dis oui à ma façon de penser qui est basée et enracinée dans la sagesse de Dieu, je suis en train de rendre un culte à Dieu. Ça, c'est un acte d'adoration. Pendant longtemps, ils ont changé l'affiche maintenant, mais il y avait une église en centre-ville de Montréal. Et sur l'affiche de leur bâtiment, ils disaient, « Nous adorons Dieu chaque dimanche matin à 11 heures. » Et un jour, j'étais avec un de mes amis, il a regardé l'affiche et il a dit, « Je me demande qu'est-ce qu'ils font à 11h01. » Vous voyez? OK, je vais aller au culte d'adoration à l'église Roi des Rois ce matin. Mais à partir de dimanche à midi jusqu'à dimanche prochain à 10 heures, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas adoré Dieu? Et Paul, dans ce texte, est en train de dire que l'adoration, un culte qui a de l'allure, un culte qui a du sens, parce que le texte dit, ça serait de votre un culte spirituel, certains textes disent un culte ou un service raisonnable. L'idée impliquée, c'est que dans notre adoration, on adore Dieu avec toute notre personne. Donc, il me semble que ce texte donne tout de suite trois principes. Et le premier principe, juste enchaîne avec ce que je viens de dire, que ma façon de vivre est un acte d'adoration. Mais ça comprend toute ma personne. Je ne peux pas simplement adorer Dieu dans mon cœur. Je ne peux pas limiter mon adoration au dimanche matin. J'adore Dieu avec le tout. Qui veut dire que l'adoration a lieu 168 heures par semaine? Donc, lorsque je suis à l'université, lorsque je suis en train de faire mes études, je suis en train d'adorer Dieu. Quand vous allez au boulot, vous adorez Dieu avec votre boulot. Quand vous jouez avec vos enfants, vous êtes en train d'adorer Dieu. Quand vous prenez le temps de flâner, vous êtes en train d'adorer Dieu. Le premier principe dans ce texte, c'est que un culte raisonnable, un culte qui a de l'allure, un culte qui a du sens, c'est un culte qui implique toute notre vie. Qui veut dire que si je pense que le culte se limite à dimanche matin, ou aux actes de l'Église, ou aux actes spirituels comme lire la Bible, prier, si je limite mon adoration à ces activités, Paul dirait, ça c'est un culte déraisonnable, irrationnel, pas biblique. Le deuxième, c'est que dans ce culte, il y a un oui et un non. Un non au schéma de ce monde, d'être façonné par le monde actuel. Et il y a un oui à la transformation que l'Esprit fait dans nos vies. Et le troisième principe, c'est un petit dicton qu'un de mes amis m'a enseigné il y a bien des années. C'est un ami, il habite Ottawa, et je l'ai rencontré peu après que j'ai commencé dans mon ministère vocationnel que j'exerce même aujourd'hui. Mais mon ami m'a dit ceci, et je suis tellement reconnaissant, je me rappelle de ça. Il a dit, Glenn, si tu veux agir comme un chrétien, il faut tout d'abord penser comme un chrétien. Le fait que je m'en souviens 35 ans plus tard, 36 ans plus tard, souligne la façon qui m'a influencé. Glenn, si tu veux agir chrétiennement, il faut tout d'abord penser chrétiennement. Parce que le coco influence tout. Mais l'action aussi influence le coco. un dialectique, comme on dit. Il y a un va-et-vient. Et ce texte souligne l'importance de développer une réflexion chrétienne et d'adorer Dieu avec votre esprit. De ne pas être conformé, mais d'être transformé. D'avoir une pensée sage, de ne pas avoir une haute opinion, une trop haute opinion de soi-même. Donc, trois principes qui découlent du texte. Le premier principe, c'est un culte raisonnable implique toute la vie. Toute la vie. Le deuxième, il y a un oui et un non. Et troisièmement, si vous voulez agir chrétiennement, il faut tout d'abord penser chrétiennement. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Permettez-moi de vous donner deux ou trois petites idées. Tout d'abord, des fois, le lundi à vendredi, pour ainsi dire, le boulot, le travail, il est plate, ennuyant, fatigant, des fois désespérant. Il y a des décisions à prendre. C'est tracassant. Des fois, je me réjouis. J'ai hâte pour mes vacances. Mais vous me suivez. Si vous êtes à la maison, OK, oh, c'est la même routine, jour après jour. Si vous êtes aux études, oh, il y a les hauts et les bas. La fin de la session s'approche. Il y a des examens. Pour ainsi dire, lundi à vendredi peut être difficile. Il me semble que ce texte nous ouvre une brèche pour dire comment est-ce que je peux penser bibliquement sur mon travail? Parce que je vais au travail avec mon corps. Je fais mon boulot avec mon corps. Donc, comment est-ce que je vais offrir ma vie entière pour ce que je fais, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. Comment offrir tout ce que j'ai de lundi à vendredi? Donc, ce texte nous invite de reconceptualiser la vie de tous les jours. Dieu nous a appelés à une vocation. Dieu veut nous utiliser dans cette vocation. Donc, comment en faire? Donc, pour Martin à l'école, ou Manon, ou Denise à l'école en tant qu'enseignant, qu'est-ce que ça veut dire d'enseigner chrétiennement? Pour Daniel dans l'informatique, qu'est-ce que ça veut dire de penser à la technologie d'une façon chrétienne? Pour Sandy, comme une organisatrice communautaire, comment faire mon travail chrétiennement? Pour ainsi dire, d'abolir ces distinctions qu'on fait entre notre travail chrétien et notre travail de tous les jours. C'est une distinction fausse. Toute notre vie, c'est d'offrir tout notre corps, tout notre être, 168 heures par semaine à Dieu. Et une deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait pour renouveler l'intelligence. Qu'est-ce qu'on fait pour, je vais utiliser un grand mot ici, reprogrammer le coco. Si je veux agir chrétiennement, et s'implique en tout premier lieu une réflexion chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire de reprogrammer le coco? Daniel peut nous bien expliquer avec l'ordinateur. Garbage in, garbage out. Si le programme n'est pas bien programmé, qu'est-ce qui arrive? Pas grand-chose. Donc, si pendant la semaine, j'alimente ma pensée avec le pouvoir, la vengeance, la pornographie, si j'alimente la pensée avec la haine, qu'est-ce qui va sortir? Mais si je prends du temps pour dire, OK, Dieu, tu m'invites de penser d'une façon sage. OK, qu'est-ce que je vais faire pour alimenter, pour nourrir une réflexion sage? Ça veut dire que je vais probablement lire les proverbes. Je vais probablement passer du temps avec les personnes qui sont dites sages. Je vais, quand j'ai ces pensées de vengeance ou de haine ou de réplique ou de justification de soi, je vais prendre ces pensées captives et je vais répondre bibliquement. Peut-être il y a certaines émissions de la télé où je vais dire non, parce que quand je regarde ça, oh, inévitablement, je suis négatif. Peut-être je vais commencer de dire oui à d'autres choses. Et il est pour cette raison, et je conclue avec ceci, il est pour cette raison que je pense que la saison de carême est une pratique spirituelle à reprendre dans notre milieu protestant. Carême a commencé mercredi, donc ce n'est pas trop tard pour choisir un non et un oui. J'ai une amie, cette année, elle a décidé pour carême d'être végétarienne. Elle a décidé cette année, elle va dire non à la viande rouge. Et quand elle l'a expliqué, elle a dit, je me suis rendu compte que je suis devenu avare et il faut que je dise non. D'autres personnes disent non au sucre. Certaines personnes disent non au chocolat. Certaines personnes disent non à l'alcool. C'est une façon juste de dire, OK, avec mon corps, je vais me priver de quelque chose. Je vais dire non afin de bien célébrer à Pâques que le corps de Jésus s'est ressuscité. Mais à Pâques, il faut aussi dire oui. Depuis 3 ans, Sandy et moi, notre façon de dire oui, c'est de mémoriser quelques versets ensemble. Pour ainsi dire, de reprogrammer le coco. Je dois vous admettre, parce que moi j'aime mémoriser les versets, c'est une pratique que je fais depuis des années. Mais je peux vous dire honnêtement, il était beaucoup plus facile de mémoriser les versets quand j'étais dans la vingtaine que dans la cinquantaine. La matière grise, il n'est pas ce qu'il était. Mais encore, c'est une façon pour moi de repenser. Donc, je vous invite cette année, afin que votre culte soit un culte en vérité et en esprit, mais un culte de tous les jours, une adoration de tous les jours. Qu'est-ce que vous allez faire pour offrir vos corps à Dieu? Ce qui est de sa part un culte raisonnable, une adoration qui a du sens, qui a de l'allure, un culte qui va lui rendre tout le crédit. Prions. Seigneur, j'aimerais te remercier pour ce texte et pour la façon que tu m'as formé cette semaine. Et je prie pour mes sœurs et frères présents aujourd'hui, que tu puisses encore par ton esprit leur parler aussi. Fais en sorte que notre adoration, notre culte, notre dévouement pour t'exalter, soit un acte de 168 heures par semaine. Nous voulons te suivre fidèlement, chaque jour de chaque semaine. Et on veut le faire avec ce renouvellement de la pensée. Au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine.